Un peu avant 8h du lundi matin, McCartin traverse les locaux de la brigade pour rejoindre son bureau. Arrow l'intercepte. « Comment se présente votre affaire » demande-t-il. « On a arrêté le suspect hier », répond McCartin en tâchant de réprimer un sourire. « Hier ?» répète Arrow incrédule. « T'as bien entendu. Ça se passe comme ça quand on met un vrai inspecteur sur le coup », ricane McCartin en gagnant son bureau d'un pas pressé. « Lèche-cul !» grommelle Arrow. De retour à la brigade, installés dans leur bureau mitoyen, McCartin et Knowles épluchent le monticule de paperasse en lien avec le meurtre de Luda. La section Robbery Homicide est située au troisième étage du centre Parker, surnommée la Maison de Verre par les prisonniers qu'on conduit dans ces cellules de détention. La structure de 8 étages est plantée au cœur du centre-ville de Los Angeles, près de la mairie dont l'architecture constitue un repère très reconnaissable. Mais tandis que la mairie est un gratte-ciel art déco aux murs inclinés et cannelés, le centre Parker est un immeuble terne fait de verre et de métal qui ressemble à un énorme frigo. Construit en 1955, le QG de la LAPD, rebaptisé Parker Center en 1996, en l'honneur de l'ancien chef de la police William H. Parker, a été mal conçu et tombe aujourd'hui en décrépitude. Les étages s'affaissent, la plomberie fuit de partout et la peinture des couloirs s'écaille. Dans certains bureaux, on dirait le décor et le mobilier tout droit sortis de la vieille série policière Dragnet. Back as far as it'll go. La section Robbery Homicide n'a pas non plus beaucoup changé au fil des ans. Robbery Special et Rape Special possèdent chacune leur propre salle. Adjacente aux deux autres unités, Homicide Special tient dans une grande pièce où deux rangées de 12 bureaux métalliques, cabossés, rétrécissent le passage. Un lieutenant supervise le groupe d'inspecteurs de l'aile droite de la pièce, un autre celui de l'aile gauche. Au mur, le large tableau blanc des appels domine la salle. Il recense les équipes d'inspecteurs disponibles pour être dépêchés sur les nouvelles scènes de crime. Les inspecteurs des deux rangées, désignés par Homicide 1 et Homicide 2, alternent chaque semaine sur le tableau. Bien qu'ils ne soient séparés que par un vague couloir, il existe une rivalité subtile entre les deux équipes. Les inspecteurs finissent par développer une solide loyauté envers leur rangée. Parfois réticents à l'idée de se partager les informations, ils ont pu mutuellement s'accuser, à l'occasion, d'être à l'origine de fuites dans la presse. La brigade traite 12 à 15 affaires de meurtres complexes par an. Le travail est réparti entre ces deux groupes. Everybody looks great, everybody, but nobody knows what's inside my head, inside my head. You're all dead. Nobody knows what's inside my head, inside my head. I wish you were dead. All these kids act cool, they call me. But it's my lucky day, today I can get hurt. They spit me in my face, yeah, the joke's on me. Please do it again, I don't mind. Because nobody knows what's inside my head, inside my head. You're all dead. Nobody knows what's inside my head, inside my head. I wish you were dead. Courtons du jour. On arrive dans les locaux par un couloir au lino sale, noir et blanc. Des armoires à tiroirs antédiluviennes, des stores vénitiens couverts de poussière, des portraits en noir et blanc des personnes recherchées, la lumière tranchante des néons au plafond. Les locaux d'Homicide Special dégagent l'atmosphère d'un commissariat de films noirs des années 1940. Seuls les ordinateurs paraissent anachroniques. Les inspecteurs n'ont toujours pas de répondeur et il n'y a pas de standardiste. Ils sont fréquemment dérangés par le téléphone et gribouillent à la hâte les messages pour les uns et les autres. We of the university majors in Los Angeles, California, who had our Harvard University deans come to teach us, will not have you goddamn bitch kidnapping us, sticking us with needles. The reason I did not, none of your goddamn business. It's none of your goddamn business. You didn't even hear a thing. You have no business using your goddamn needles. And those goddamn old men who you suck, you goddamn ass pussy motherfucker. She licked me between my sacred legs, and I am Mrs. Warren, and I demand her death. I mean her death, goddammit. And they have her here at the crazy house. Now, you goddamn bitch, I don't care who you think you know. Just go alone. Get your door alone, Vivian. Sit your ass down, Vivian. Sit your ass down. And you do not call people, decent people, you are an ass. You went to the crazy house and punked there. They sent you goddamn head. You are an ugly motherfucker without somebody making a wig for your fucking head. They calling you beautiful. Shit, look at your goddamn crooked feet. Tell me about some of the things. It's nothing to tell you, motherfucker. If you think sucking dick and being fucked in your baboon pussy ass was making you graduate, you are goddamn lying. No, motherfucker, that's how I'm respected, you goddamn cocksucker. And I'm asking God to damn you and any motherfucker like you looking between women's legs and their blessed wounds, motherfucker. Not an animal's cock. Well, the goddamn doctors made an oath not to take no motherfuckers in those hospitals and fuck no goddamn baboons and things and sit around in no goddamn circle like you motherfuckers was in the jungle. You weren't have been brought here to a civilized nation. And then the motherfuckers who fucked you and had some of them motherfuckers looking like them were cursed. That's why God let them look like them when they come out of the goddamn fur. Because baboons have their own female species. Thank you. Les inspecteurs Domicile Special s'accordent bien au décor désuet de leurs locaux. Les 24 inspecteurs sont des hommes. Les deux femmes de la brigade sont affectées à d'autres équipes dans d'autres bâtiments. La plupart sont blancs. Tout le monde ou presque porte un costume noir, une chemise blanche bien repassée, une cravate sobre et des chaussures impeccablement lustrées. Plusieurs décennies auparavant, les supérieurs hiérarchiques avaient décidé que, puisque les inspecteurs Domicile Special étaient supposés être les meilleurs de la ville, ils devaient avoir l'air des meilleurs. Et la tradition s'est perpétuée. Aujourd'hui, McCartin porte un costume classique bleu marine, une chemise blanche, une cravate rouge et bleue. Knowles est en costume gris, chemise blanche et cravate verte. Yourselves. Crusading rap guys are a real downer. They say they know us. toppling over, falling over, spilling over, falling over there, falling over there, falling over there. Poor boys, a little lost. Poor boys, saw a ghost. Poor boys, get lost. Don Hartwell, leur lieutenant à la tête d'Homicide 2, a été chef cuisinier dans un des meilleurs restaurants français de la ville. Ce matin, il aiguise l'appétit d'un inspecteur en lui détaillant les plats qu'il a dégustés samedi soir au Vincenti, le célèbre restaurant de West Side. Le mulet, raconte-t-il d'un air émerveillé, était directement importé d'Italie. Il interrompt sa rêverie gastronomique lorsqu'il aperçoit McCartin et Knowles. Il veut des nouvelles de leur visite à l'appartement de Luda. cette maison. Un refuge il y a quelques années, un piège aujourd'hui. C'est l'attaque de la banque qui m'a fourni cette maison, mais pas les primes que ses combats ont rapportées à Lee et qu'il a investi avec prudence. Lee Blanchard n'est pas un investisseur rusé, comme on le croit communément. Il n'est pas non plus mon amant, au sens habituel du terme. Il est entré dans ma vie pour m'aider à accomplir mon destin, quel qu'il soit. Je le sais à présent. Get up. could not control myself. He said, get up. Consciousness demolished. And I tried to hold the pain inside. He said, hold it in. Le destin que m'offrait Sioux Falls ne me suffisait pas. Les périodes de froid en hiver, les vagues de chaleur en été laissaient des morts derrière elles. Des Indiens venus des réserves voisines échangeaient des coups de couteau dans des bars clandestins. Un jour, des membres du clan ont sorti de Fort Saint-Noir de la prison du comté. On l'accusait d'avoir violé une blanche un peu simple d'esprit. Les clansmen ont constitué un tribunal irrégulier. La fille s'est montrée très lente à condamner ou à disculper l'accusé. Les Klansmen ont attaché celui-ci à un poteau planté au-dessus d'une colonie de fourmis rouges. Est-il mort à cause du soleil d'été ou des fourmis? Sur cette question, les opinions sont partagées. les protestants méprisaient les rares catholiques de la région. Les groupes nativistes ont prospéré pendant toute la période de la Grande Dépression. Les méthodistes étaient en conflit avec les luthériens et les baptistes et vice-versa. Une guerre spontanée autour du prix du bétail a éclaté en 1934. 14 hommes furent tués près de la frontière de l'Iowa. So a new man will be recording this one. But we are. Misunderstanding, it's called. You've got me, but have I got you? You've certainly got me worried. We rushed into this big romance. Now it seems a bit too hurried. And you're hanging back now, asking, what's the point? I didn't have an answer for that one. I could only repeat the question, what's the point? What's the fucking point? What kind of question's that? I had suggested that we got engaged. After 8 months of a regular courtship, it seemed like a logical step. So, I made a romantic proposal, expecting a romantic reply. Thank fuck I never went and bought a ring. That really would have been mud in my eye. A slight misunderstanding, mud mingling with my tears. A great big fucking divot falling in my beard. What have we been doing since last December if you feel that our relationship's pointless? Well, we'd meet in the pub every Friday, because we both enjoyed doing that. And then we'd go back to your bed, listen to Captain Beefheart and play with the cats, nicely out of our heads. We'd kiss in the dark and make passionate love. I thought things were going really well. P.S. Things did improve. She just had an off night. I think she had the painters in. And on Hogmanay we were engaged. I slipped the little ring on her finger and lay there feeling clever and content. Then, quick as a flash, she asked, when are we getting married? Fuck's sake, I was hoping for a long engagement. You've got to be very careful with these things. Very careful indeed. Mes parents et mon frère aîné étaient de nature aimable et satisfaits de leur sort. Leur seul péché était leur manque d'imagination. Je feignais d'être pareil à eux afin de vivre en moi-même sans encombre. Ma vie, c'était lire, dessiner et flâner. Les gens parlaient de moi. À l'église, je lâchais quelques bons mots plutôt scabreux et je créais des remous. Je ne me préoccupais guère de ma famille. Cette évidence m'horrifiait un peu et me soulageait grandement. J'avais envie de m'enfuir à Los Angeles et de devenir quelqu'un d'autre une fois installé là-bas. J'ai trouvé un emploi dans une librairie et j'ai volé la recette d'un mois entier. J'ai laissé à mes parents un mot d'adieu de pure forme. Meine Liebe. Wie Allah. I was passing my time in a bar. Outside the heat rise just like Lazarus. Now come on, he's fixing the car. They tell me this road is a killer. You can tell by the records that it makes. So let's go a little bit further to see if we got what it takes. To see if we got what it takes. C'était en novembre 1936. J'avais 16 ans. Le voyage vers l'ouest en autocar fut marqué par des tempêtes de sable et une crue subite près d'Albuquerque. Des sbires armés étaient stationnés à la frontière de la Californie. Ils étaient chargés de refouler les indigents venus de l'Oklahoma. C'étaient des policiers de Los Angeles qui travaillaient au noir. Sitting here drinking blood, singing my vampire song, surrounded by the moonlit sky, the night seems so long. The people that's been in my arms wouldn't know the first thing about evil, drawn like moths to my flame with lust in their eyes. I'm a vampire singing my song. I'm a vampire singing my song. I'm just a vampire howling at midnight. Centuries have gone since living I walked the earth. Now child, I'm sitting here watching the years go by. I'm a vampire singing my song. I'm a vampire singing my song. Just a vampire howling at midnight. Now I'm sitting here drinking blood, singing my vampire song, howling at the moonlit sky, the night seems so long. Go and unify your thoughts.

Jude Professor. Up on Professor. And this is the scientist for scientists. This is number one over D. Lawrence and over unrighteous deal. Over unrighteous meal and over unrighteous feel. I'm number one art professor. Art professor and taught professor. I'm perfect, I'm a psychiatrist. I'm a psychiatrist, psychiatrist. I'm a psychiatrist and psychiatrist Rockwell. I turn Rockwell into Fatwell. Look, I turn Rockwell into Fatwell. Turn rock steady well. Give to hell. Give the rock steady well and give the spell. Look at all don't you do queen. Make his belly fatter. I know it, but I'm still taking shoulder. Crimson to cool. I'm Egypt, the river Nile to Timbuktu. Cockpit like a cuckoo. Me poo poo. Psychopath, a psychopath as in me psycho the rat. Psycho the rat as I'm a psycho the bat. Psycho the bat and psycho the fat. Psycho the nutty and psycho the dread. Psycho dread and psycho head. Psycho locks, then be psycho tops. I'm a psycho tops, then be psycho van. I'm a psycho Vatican and psycho Vatican. Vatican, I'm a psychopath, psycho cat. Psycho cat and psycho catican. Yeah, yeah, it's up, yeah, it's up. Christ so cock, a Christ so cock. I'm gonna do I so come. Jesus Christ is black and Jesus Christ come back. The Buddha Jesus Christ never white and is black. And Jesus Christ says that my shadow is black. Because my blood is black and my blood is unblack. Hello, next I can preach freely now. If you are fest really now. Rastafari. I am. See that I am. Not a lamb. Not a lamb. To the slaughterhouse. I'm not a lamb. To the courthouse. I'm not a lamb. To the judges. I'm not a lamb. To the police. I'm not a lamb. I am flaming fire. Flaming wire. Flaming red. And flaming jet. Yo, to Taj Mahal, it's not a hall, it's not a music hall. There's the righteous call. Jah answer, Jah answer. Only be a psychopath, yeah. Jah answer. I said to psychorat, psychopath, psychonaut, psychoplat. Log off. Psychonaut, psychoplat. Log off. Dragon, psycho dead and psycho dread. Fire, fire dragon. In a psycho bed, rocking psycho head. Japanese dragon, shaking psycho leg, making psycho shake. Chinese dragon, psycho fuck, psycho buck and psycho duck. I'm the hand that I am, in a psycho lock. Calling you. Warning you. Warning you. Warning you. In space. From another race. From another race. With another race. Tell it like this. Psychopathic, la la la la. Telepathic, ila ila ila. Telepathic, telepathic, telepathic, telepathic. Langa patik, nati. Langa tik, patik. Langa tik. I'm not a aristocrat. I'm allergic to rat. Allergic to land and mix food. Allergic to bats. Allergic to grass. Allergic to fat. Allergic to mud. I said to rest to grass. des musées de assez. Hello tomorrow. Trace on song.